Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi le rêve d'harmonie par le calcul? Comment est-on passé de la fascination pour les nombres à leur utilisation pour appréhender le monde, connaître tout domaine, pour anticiper et limiter les incertitudes au moyen des prévisions? Comment les chiffres, le calcul et autres inventions comptables, des statistiques aux probabilités, se sont dotés d'une force proprement juridique avec la pratique contemporaine de la gouvernance par les nombres? La loi peut-elle être ramenée au nombre? Demande le juriste Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, pour ouvrir cette nouvelle semaine de cours consacrée au passage du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres. La semaine passée, le juriste a exploré sur la longue durée et dans une approche transnationale et multidisciplinaire le rapport aux lois de différentes sociétés et le cheminement de l'idée de gouvernement par les lois jusqu'au grand bouleversement de la globalisation et de la révolution numérique. Or, ces dernières mutations ont entraîné la soumission du droit au calcul. Alain Supiot propose d'interroger cette semaine la gouvernance par les nombres, de questionner le processus d'hybridation entre quantification et droit, puis entre communisme et ultralibéralisme. Alain Supiot explique que cette croyance dans l'harmonie par le calcul qui va de Pythagore à aujourd'hui est explicitement affirmée par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, il cite l'article, où l'harmonisation se présente tantôt comme un moyen de réalisation des libertés économiques garanties par le traité, tantôt comme un processus spontané résultant du fonctionnement du marché intérieur. Mais il nuance le succès de cette croyance qui a fait l'objet dès l'Antiquité de réserves. Il cite Aristote, à qui l'on doit l'une des premières définitions de la justice sociale, écrit-il dans sa présentation. Ce ne sont pas les mathématiques qui président à l'association des hommes, mais la nécessité d'accorder la différence de leurs travaux à la similitude de leurs besoins. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot le 7 mars 2013, le rêve d'harmonie par le calcul. La fascination pour les nombres et leur pouvoir ordonnateur n'est pas un phénomène récent. Ce n'est pas non plus un trait propre aux cultures de l'Occident. L'on sait tout ce que les mathématiques doivent à l'Inde et au monde arabe, et l'attention portée à la valeur emblématique des nombres est l'un des traits saillants de la pensée chinoise. Je vais toutefois me limiter ici, pour commencer, à quelques indications sur les origines proprement occidentales de l'idéal d'harmonie par le calcul, avant d'évoquer, dans les chapitres suivants, l'essor des usages normatifs de la quantification durant le Moyen-Âge et les temps modernes. Et je terminerai cette seconde partie du cours par un examen de ces deux versants de l'utopie de l'harmonie par le calcul qu'ont été le plan et le marché, la planification et la contractualisation. Ce survol nous permettra de voir que nos attentes vis-à-vis des nombres n'ont cessé de s'étendre. D'abord objet de contemplation métaphysique, ils sont devenus des moyens de connaissance, puis de prévision, avant d'être dotés d'une force proprement juridique. Alors on pourrait être tenté de partir ici, comme souvent, de la Bible, puisque selon le livre de la Sagesse, Dieu, je cite, « a tout réglé avec mesure, nombre et poids ». Mais il semble bien que ce livre ait été rédigé directement en grec au cours du IIe siècle avant notre ère par un juif hellénisé, probablement influencé par le renouveau pythagoricien. Et c'est donc à Pythagore que l'on doit en réalité l'affirmation selon laquelle tout est arrangé d'après le nombre. Voici comment Nicomaque de Gérase, qui est un philosophe et mathématicien néo-pythagoricien du début de notre ère, développait cette idée dans ses Théologumènes. Tout ce que la nature a arrangé systématiquement dans l'univers paraît dans ses parties, comme dans l'ensemble, avoir été déterminé et mis en accord avec le nombre, par la prévoyance et la pensée de celui qui créa toutes choses. Vous voyez, l'idée du dieu mathématicien est déjà présente. Car le modèle était fixé comme une esquisse préliminaire par la domination du nombre préexistant dans l'esprit du dieu créateur du monde, nombre idée, purement immatériel sous tous les rapports, mais en même temps la vraie et l'éternelle essence, de sorte que d'accord avec le nombre, comme d'après un plan artistique, furent créées toutes ces choses, et le temps, le mouvement, les cieux, les astres, et tous les cycles de toutes choses. Cette croyance en un monde entièrement réglé par des nombres a connu une fortune extraordinaire de Pythagore à nos jours, au travers notamment les œuvres de Platon, alors je pense en particulier au Timée, et des néo-platoniciens de la Renaissance. Au-delà de ces multiples manifestations philosophiques, scientifiques ou mystiques, les héritiers de Pythagore ont en commun de postuler l'existence dans le monde d'une légalité de type numérique qui se donnerait à voir aussi bien dans le domaine de la cosmologie que dans ceux de la théologie, de la musique, de l'éthique, ou bien, nous allons évidemment y venir, du droit. Parmi tous les nombres, la confrérie à la fois savante et mystique des pythagoriciens accordait au nombre 10 une importance particulière. Elle avait pour emblème un diagramme de la décade, appelé la tétractis, et c'est sur ce symbole ésotérique que ses membres prêtaient le serment de ne jamais divulguer leurs secrets, à commencer par leurs secrets mathématiques. Ce symbole figure un nombre triangulaire, de côté 4, dont la pointe est l'unité et la somme le 10. Voilà le texte de la prière pythagoricienne adressée à la décade. Bénis-nous, nombre divin. Alors, le nombre divin, c'est le 10. Toi qui as engendré les yeux et les hommes, au sein de Tétrakis, toi qui contiens la racine et la source du flux éternel de la création. Cette figure, la Tétrakis, alors on le retrouve chez les maîtres maçons, ceux de la Kabbale, mais on le retrouve aussi dans le christianisme, qui après l'avoir rejeté comme figure païenne, là, si l'on peut dire, recyclé en figure de la Trinité. Et c'est ainsi que vous pourrez reconnaître cette figure de la Trinité, de l'œil de Dieu, au sommet de l'arbre des sciences du grand philosophe catalan Raymond Llull. Et Llull fait, au fond, à sa façon, ce que Auguste Comte va refaire au XIXe siècle, il essaie de faire une carte des sciences et des connaissances de son temps, et il donne à voir ses connaissances sous la forme d'un certain nombre d'arbres, dont les racines figurent les principes de base, le tronc, la structure, les branches sont les genres, les feuilles sont les espèces, etc. C'est quelque chose qui demeure très vivant chez les juristes, qui sont tout entiers, tous perchés sur différentes branches du droit. Alors, à partir de là, la Tétractis a continué sa course, si l'on peut dire, non plus comme figuration de la Trinité, mais comme celle de l'œil de la loi. Et j'ai un très savant collègue allemand, Michael Stolheis, qui a publié sur ce sujet, sur cette métaphore de l'œil de la loi, un petit livre sous ce titre, aux éditions de Minuit en 2004. Et c'est cette figure que l'on retrouve sur tout billet de 1 dollar. Donc, au verso d'un dollar, vous retrouvez ici, ce sont les deux faces du sceau des États-Unis, « The Great Seal of the United States of America ». Donc ce sceau a été dessiné à la fin du XVIIIe siècle, et vous avez d'un côté l'aigle, bon je passe, c'est celui que vous voyez derrière le président de la République, le président des États-Unis dans ses discours, c'est celui-ci qui va nous intéresser, qui représente une pyramide qui est datée à sa base de 1776, et vous retrouvez au sommet de cette pyramide donc l'œil de la providence divine qui veille sur l'État nouvellement fondé, avec ces symboles latins que j'ai traduits sur la projection, c'est-à-dire au sommet la mention « Il approuve notre entreprise », c'est-à-dire « Dieu approuve l'entreprise politique de la Fondation des États-Unis », et en bas, le bandeau « Le nouvel ordre des siècles qui débute », donc le sentiment d'un nouvel âge politique est placé sous l'égide de cette figure dont nous avons retracé l'histoire donc, depuis Pythagore. Alors, cette figure continue de travailler l'imaginaire contemporain et, à titre de clin d'œil, vous voyez ici l'œil de la Providence, le Dieu omniscient. Vous avez sa face sombre dans le film Le Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ont une culture cinématographique, vous avez au contraire l'œil de Sauron qui se trouve au sommet et qui représente au contraire la figure du mal. Alors, la Tétractis était un symbole du cosmos, c'est-à-dire d'un univers arraché au chaos et rendu à l'harmonie. Et il faut s'arrêter un instant sur cette notion d'harmonie dont vous connaissez les avatars juridiques contemporains en droit de l'Union européenne, où l'harmonisation se présente tantôt comme un moyen de réalisation des libertés économiques garanties par le traité, tantôt comme un processus spontané résultant de l'usage de ces libertés. Et c'est dans ce second sens qu'il se présente en matière sociale à l'article 151 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Alors cet article vient de la rédaction du traité de Rome et il ouvre le titre 10 qui est consacré à la politique sociale. Donc, vous voyez, il se compose de trois alinéas. Le premier alinéa indique des objectifs sociaux que poursuit l'Union et que poursuivent les États membres, c'est-à-dire la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines, permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. Donc ça, ce sont des objectifs. Nous verrons la place de cette notion d'objectif qui est une place centrale dans tout système de gouvernance par les nombres. Alors, l'Union donc met en œuvre à cette fin des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie et de l'Union. Vous avez ici ce qui est toujours la base de l'harmonie, c'est qu'il y a de la dissonance au départ. La déesse harmonie, chez les Grecs, c'était la fille du dieu de la guerre et de la déesse de l'amour. L'harmonie procède toujours de choses qui ne vont pas de soi. Et c'est l'alinéa 3, je vous demande de lire plus soigneusement. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est que c'est du fonctionnement du marché intérieur que doit résulter l'harmonie dans le domaine social. Autrement dit, c'est le libre jeu donné au calcul d'intérêt des opérateurs économiques qui va être générateur de cette harmonie. Et le rapprochement des législations a ici une fonction subsidiaire, c'est un moyen d'accompagner ce processus spontané d'harmonisation. Alors, ça évoque, dans une perspective historique, un peu le décret de Gratien, dont je vous avais montré une très belle représentation en frontispice, qui, 7 siècles plus tôt, s'intitulait « La Concordia Discordantium Canonum », c'est-à-dire « La Concorde des canons discordants ». La Concorde des canons discordants, c'était le vrai titre, c'est le vrai nom du décret de Gratien. Il s'agissait, là aussi, de surmonter la diversité de sources juridiques hétérogène. Et là, l'harmonie vise à surmonter la diversité des droits nationaux et des impératifs de compétitivité pour aboutir à cet objectif dit d'égalisation dans le progrès. Mais à la différence du décret de Gratien, cette concorde n'est pas conçue ici comme une œuvre juridique, mais comme un sous-produit du calcul économique que le rapprochement des législations a pour seule fonction d'accompagner et de faciliter. Il faut observer toutefois que dans la rédaction du traité de Rome, cet engendrement de l'harmonie par le calcul est le fait d'un marché intérieur. Vous voyez, ça résultera du fonctionnement du marché intérieur, c'est-à-dire d'un marché institué et délimité par le droit de l'Union. Les auteurs du traité de Rome n'avaient pas encore pour horizon un marché total impliquant la suppression de toute entrave à la libre circulation des marchandises et des capitaux à l'échelle de la planète. Cette utopie d'un marché sans frontières, produisant spontanément un rapprochement des législations des systèmes sociaux à l'échelle du monde, n'est intervenue que plus tard avec l'idéologie ultralibérale. Alors, ce qu'il faut noter ici, c'est que, vous voyez, nous continuons d'être portés par des croyances qui ont une très longue histoire et que la foi dans une harmonie fondée sur le calcul était déjà présente dans la mystique pythagoricienne. Harmonie, alors c'est un mot qui évoque la musique et effectivement, l'harmonie peut résulter soit d'une eurythmie parfaite obtenue du premier coup, soit, le plus souvent, d'une consonance de principes contraires sur le modèle des accords musicaux qui transcendent les dissonances. Alors, les Grecs usaient de la longueur des cordes pour mesurer les fréquences musicales. Vous savez que tous ceux qui ont fait un tout petit peu de musique ou jouer de la guitare, même électrique, que fréquence et longueur sont inversement proportionnelles. Plus la corde est courte, plus la fréquence est élevée. Les cordes courtes donnent un son plus aigu que les cordes longues. Et c'est ainsi qu'on va définir les sons par relation réciproque jusqu'au 19e, où c'est un physicien et acousticien allemand, Hermann von Helmholtz, qui le premier va donner une définition objective de chaque son par la valeur absolue de sa fréquence. Alors, sur ces bases, vous comprenez peut-être mieux les raisons de l'adoration de la tétractis. La parfaite correspondance des proportions mathématiques et des accords musicaux nous révélerait l'existence d'une harmonie cosmique à laquelle on pourrait accéder par la contemplation des nombres. Et cette harmonie est celle que les hommes doivent s'efforcer de faire résonner dans leurs propres œuvres, qu'ils soient sculpteurs, architectes ou législateurs. De fait, la référence à Pythagore se retrouve aussi bien sur les murs de la cathédrale de Chartres, par exemple, que dans la peinture de la Renaissance, qui a été pétrie de néoplatonisme, ou dans l'idéal du monde savant, dépeint par certaines œuvres littéraires du XXe siècle. Je pense ici, par exemple, à un roman de Hermann Hesse qui s'appelle « Le jeu des perles de verre », qui est, imagine, une sorte de société savante idéale où tout tourne autour de, effectivement, la musique et les mathématiques. Alors, on retrouve de cette influence de la tétractis, de la contemplation des nombres sur l'art de la législation, on en retrouve un témoignage particulièrement frappant dans un texte qui a énormément influencé les humanistes néoplatoniciens de la Renaissance. Il s'agit de la République de Cicéron. Ce texte fameux se termine par le... On le trouve facilement en poche, hein, je vous conseille vraiment de lire ça. Hein. Il se termine par le récit d'un rêve où Scipion est visité par son ancêtre Scipion l'Africain. Et son ancêtre va lui révéler les choses à laquelle il n'avait pas accédé. Et la première chose qu'il lui révèle, c'est qu'il n'est rien sur la terre que le premier des dieux, celui qui régit la terre, préfère à ces sociétés humaines cimentées par le droit qu'on appelle cité. Autrement dit, ce que Dieu préfère, eh bien, ce sont les sociétés humaines cimentées par le droit. Et tout de suite après, l'Africain transporte notre rêveur au milieu des 9 sphères célestes qui composent l'univers et lui donne à entendre la musique qui en émane. Cette musique, lui explique-t-il, résulte de l'impulsion et du mouvement des sphères inégalement distantes les unes des autres, de façon que les intervalles soutiennent entre eux des rapports rationnels, produisent ces sons différents et les plus aigus se combinant aux plus graves, des accords harmonieusement reliés qui en résultent. Donc nous avons dans ce texte, tout à fait étonnant vu par un juriste contemporain, un lien immédiat entre mathématiques, musique des sphères, ordre de la cité. Et l'harmonie céleste dont elle participe est celle-là même que le droit doit réaliser dans la cité. Alors cette façon de faire appel à l'onirisme et d'introduire des considérations esthétiques et mathématiques dans un traité consacré aux institutions de la République est pour le moins déroutante au regard de notre approche positiviste du droit. Elle l'est peut-être moins au regard de la doctrine contemporaine de la Law and Economics, sur laquelle nous reviendrons à loisir, qui prétend elle aussi fonder l'harmonie sociale sur la raison mathématique, même s'il faut bien reconnaître que l'homo economicus a beaucoup perdu de l'humanité de Scipion. Il ne rêve pas et il n'imagine pas que la main invisible du marché puisse être celle d'un musicien. Pour illustrer la constance de cette influence sur la pensée juridique de la Renaissance à nos jours, la grande juriste historienne du droit Marie-Thérèse Feugen, qui malheureusement a disparu il y a, je crois, 2 ans, qui dirigeait l'Institut d'histoire du droit de Francfort, a récemment proposé un pénétrant commentaire de la célèbre fresque de Raphaël, L'école d'Athènes, qui orne la salle des signatures du Vatican. Alors, cette fresque est célébrissime. Je vous rappelle qu'au centre, vous avez 2 compères de la philosophie occidentale, Platon, qui s'avance, qui montre le ciel, et Aristote, qui lui montre la terre. Et Aristote porte son éthique sous le bras, alors que Platon tient le timée. Pythagore est assis en bas à gauche du tableau. Il est occupé à écrire sous le regard attentif d'Averroès et à ses pieds, un jeune homme lui montre une ardoise. Et cette ardoise représente justement la tétractis qui est surmontée d'un diagramme sous forme de lyre dont les cordes sont réglées selon les proportions relatives de l'octave, de la quinte et de la quarte. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va y passer trop de temps. Feugen utilise cette fresque pour illustrer son interprétation du récit par Tite-Live de la rédaction de la loi des 12 tables à Rome, à la fondation de la République. Pourquoi, se demande-t-elle, trouve-t-on 12 tables aux origines du droit romain et non pas 10, le nombre sacré des pythagoriciens et celui des commandements de la loi mosaïque? Pourquoi 12 et pas 10? Je sens que ça vous inquiète. Bon. Et vous allez voir, il y a beaucoup à apprendre de cette histoire. Selon le récit qu'en fait Tite-Live, la charge de confectionner les tables de la loi fut confiée en 457 avant Jésus-Christ à un collège de 10 sages, les décemvirs. La composition de ce collège obéissait au même ordonnancement que celui de la tétractis. Il y avait 1 consul de l'année précédente, 2 consuls de l'année en cours, 3 émissaires revenus de la Grèce, ce sont les experts qu'on avait envoyés étudier les lois grecques, et, dit Tite-Live, 4 hommes âgés, et il nous explique qu'on les a choisis un peu ballots pour qu'ils n'interviennent, ne dérangent pas les autres, mais on les choisit pour compléter le nombre, dit Tite-Live. Compléter le nombre, entendez, le nombre sacré 10. Donc les décemvirs se mettent au travail et ils rédigent 10 tables, comme il se doit, qui, après avoir été soumises à l'avis des citoyens romains, furent adoptées par les comices. Et là intervient un événement imprévu. Le bruit se répand, la rumeur, que manquaient 2 tables. Manquaient 2 tables qui, réunies aux autres, dit Tite-Live, auraient formé un corps complet de droit romain. C'est-à-dire qu'avec les 10, ce n'était pas suffisant. Il en fallait 2 de plus. Ceci conduisit à nommer un nouveau collège de décemvirs, parmi lesquels Appius Claudius, qui avait déjà participé à la rédaction des 10 premières tables. Mais à la différence des premiers des Semvir, qui furent des hommes vertueux et irréprochables, ce nouveau collège se comporta de façon tyrannique, à commencer par Appius Claudius, lui-même, qui viola les lois qu'il avait lui-même posées et trahit sa charge de juge. Alors il le fait dans un... Il faut lire le récit de Tite-Live, c'est très intéressant, c'est un procès. En fait, il croise une très belle jeune fille, Virginia, il la convoite, et il demande à un homme de paille de prétendre qu'elle est son esclave. Et donc s'ouvre une procédure de droit romain, il y a une forme d'action dans ce cas-là, sur la revendication d'esclaves, et c'est lui-même qui va juger de la revendication par son homme de paille de l'esclave pour se faire remettre l'esclave, la belle Virginia, ensuite. Le père de Virginia ne trouve pas d'autre moyen d'éviter à sa fille la servitude et le déshonneur que de la poignarder avec un couteau de boucher. Évidemment, devant une telle injustice, le peuple se révoltera et Claudius finira par se suicider dans son cachot avant que la paix ne revienne dans une cité désormais régie par les 12 tables de la loi qui seront exposées en moins 449 sur le forum. Alors, dans l'interprétation qu'elle propose de ce récit, Marie-Thérèse Fuggen avance qu'il fallait que les Romains, je cite, « fassent l'expérience du non-droit pour que l'ordre juridique puisse être véritablement institué et que la société accède à l'harmonie ». On peut émettre des réserves sur cette utilisation de la notion de non-droit, qui n'est pas seulement anachronique, mais qui, me semble-t-il, est aussi trompeuse. Car là où il n'y a pas de droit, on ne peut pas le violer. Or, c'est bien la violation du droit qu'il avait lui-même posé que s'est rendu du coupable Claudius Appius. Et ce point est essentiel pour comprendre la vanité d'un ordre juridique qui serait fondé sur la seule raison calculatrice. Si cette tentation de l'harmonie par le calcul n'a cessé de hanter la pensée juridique occidentale, c'est peut-être en raison de notre difficulté à saisir l'unité profonde du droit et de sa violation. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Mme Fuggen, elle ne peut pas opposer, elle oppose droit et non-droit, et pas droit à la violation du droit. L'unité profonde de l'ordre et du désordre. Nous avons du mal à penser l'ordre et le désordre comme participant d'une même unité. Et pour surmonter cette difficulté, on peut user de notre méthode habituelle consistant à emprunter un instant le regard que d'autres civilisations ont pu porter sur ce rapport de l'ordre et du désordre. Et cette fois-ci, ce n'est pas la Chine ou l'Afrique, mais l'Inde qui va nous permettre de regarder les choses autrement. Plus précisément, une remarque du grand indianiste Heinrich Zimmer dans son commentaire de la cosmogonie hindoue. Ce que nous apprenons à propos de ce que nous apprend l'Inde dans sa cosmogonie, c'est qu'en dépit de sa beauté, tenez-vous bien, au moment même où il conçoit l'avènement d'un monde parfait, le dieu Vishnu a les oreilles sales. Il y a des trucs qui coulent de ses, enfin du truc, vous voyez, cette espèce de cire là, qui coule de ses oreilles. Et c'est de cette crasse que naissent Madhu et Kaitaba, les démons de la passion et de la bêtise qui vont semer les premiers germes de dérèglement du cosmos. Vous les voyez ici, vous voyez Vishnu au centre, assis sur son serpent, et vous voyez ces deux malappris. Alors, il va leur régler leur compte, mais ils ont posé les germes déjà de ce qui va être l'histoire d'un cosmos, d'une journée cosmique, c'est-à-dire d'un long détraquement, jusqu'à Vishnu se dise, après, j'efface tout, je me rendors. Puis il se réveillera à nouveau, avec à nouveau l'illusion qu'il va pouvoir créer un monde parfait. Et ça va recommencer comme ça, indéfiniment. Le Collège de France et France Culture vous présente le juriste Alain Supiot, Le rêve d'harmonie par le calcul. Alors, par contraste, souligne Zimmer, l'image occidentale du divin est toute positivité et exempte de dimension démoniaque. Et c'est bien pourtant, note Zimmer, la prise de conscience de sa part obscure, de la négativité qui l'habite, qui permet à chaque être humain d'accéder à lui-même. J'ai beaucoup d'admiration pour l'œuvre de Zimmer. Alors donc, je lui donne la parole parce que les citations sont le seul moyen que nous avons de rendre la parole aux morts. Par quelle autre voie, note-t-il, les hommes pourraient-ils accéder à la réalité extérieure et intérieure que par la culpabilité? Quel enracinement dans la réalité serait-il exempt de faute? Ce n'est que par la faute que l'on apprend qui l'on est. Auparavant, on flotte dans le domaine de l'apparence. Cette remarque vous paraîtra peut-être abstraite, mais elle éclaire le problème très concret que posent aujourd'hui, par exemple, aux tribunaux, ceux des jeunes délinquants qui, faute d'avoir été institués, faute d'avoir pu assimiler le sens des limites, n'ont pas accès à la culpabilité. Et il pose un problème très difficile à l'appareil judiciaire. Car si vous n'avez pas incorporer en vous un certain nombre de limites, vous finirez nécessairement par les trouver en dehors de vous-même. Et donc, plutôt que d'un improbable non-droit, on serait donc tenté de rapprocher le processus, je reviens à Rome là pour un instant, puis on va quitter Rome, rassurez-vous, on serait donc tenté de rapprocher le processus de délibération démocratique qui avait conduit à l'adoption des 10 premières tables et la révolte collective contre l'injustice qui va conduire à l'adoption des deux dernières. L'établissement du règne de la loi ne procède pas seulement d'un calcul rationnel, de cette loi particulière qui est pour nous le droit romain, mais aussi de l'expérience de l'injustice et des passions. La démesure à l'œuvre dans ce récit de la fondation du droit romain n'est pas seulement celle des passions humaines, celle de Claudius, qui conduisent à sa violation, mais c'est aussi l'hubris d'une loi parfaite soumise à l'empire du nombre. Et une telle interprétation du récit de la fondation des 12 tables permet de comprendre la logique du passage de 10, le nombre parfait, à 12, la clé de l'harmonie. Les 12 tables résultent à la fois d'une délibération rationnelle et d'une révolte, à la fois donc d'une délibération rationnelle et d'un combat inspiré par le sentiment d'injustice. Et même de deux combats. D'abord celui des plébéiens, pour que Rome se date d'une loi égale pour tous sur le modèle grec, puis celui de tous les citoyens romains, pour que leurs dirigeants eux-mêmes se soumettent à cette loi. Et donc la scène fondatrice du droit romain, et on peut dire du droit occidental, est donc le lieu d'une prise de conscience de la vanité d'un ordre idéal fondé sur les nombres et de la nécessité d'un ordre fragile et imparfait fondée sur la loi humaine. C'est de cette histoire romaine que Machiavel, bien des siècles plus tard, tira une leçon essentielle. C'est dans un commentaire qu'il fait justement de Tite-Live. Cette leçon essentielle, c'est que les bonnes lois sont celles qui s'expérimentent, qui s'enracinent dans l'expérience des conflits. Dans toute république, écrit Machiavel, il y a deux partis, celui des grands et celui du peuple. Et toutes les lois favorables à la liberté ne naissent que de leur opposition. Alors là, le passage scandaleux pour l'époque de Machiavel, on ne peut qualifier de désordonnée une république où l'on voit briller tant de vertus que la République romaine. C'est la bonne éducation qui les fait éclore, et celle-ci n'éduque qu'à de bonnes lois. Mais les bonnes lois, à leur tour, sont le fruit de ces agitations que la plupart condamnent si inconsidérément. Donc c'est du conflit que naissent les bonnes lois et pas simplement de la raison. Alors, ainsi que l'a montré Claude Lefort dans son œuvre monumentale sur Machiavel, ce dernier découvre ici une vérité scandaleuse. Dans une cité libre, la loi n'est pas une œuvre de la froide raison, mais le fruit du heurt de deux désirs également illimités. Le désir des grands de toujours posséder davantage et celui du peuple de ne pas être opprimé. Aussi, la loi n'est-elle jamais donnée une fois pour toutes. Elle demeure ouverte aux conflits qui toujours conduisent à la réformer. Alors en Grèce aussi se fit jour cette prise de conscience proprement juridique de l'impossibilité de donner à la justice un fondement purement mathématique. On va évoquer ici Aristote. C'est la dernière fois qu'on va parler de l'Antiquité, mais c'est un passage incontournable puisque ce passage d'Aristote est celui que vous trouvez dans toute l'ouverture de tous les ouvrages de philosophie du droit sur la justice. Aristote s'est efforcé de donner une expression mathématique aux différents types de justice qu'il distingue dans l'éthique à Nicomaque. Et contrairement à ce que l'on peut lire généralement dans les ouvrages de philosophie du droit, par exemple chez Michel Villet, Aristote ne distingue non pas deux, mais trois formes de justice. Les deux premières sont celles que nous avons vues représentées sur les fresques du bon gouvernement à Sienne. D'un côté, la justice distributive, qui répartit l'honneur, les richesses ou tous les autres avantages qui se partagent entre les membres de la communauté politique. Ce premier type de justice est, selon Aristote, de nature proportionnelle au mérite de chacun. On appelle, écrit-il, ce genre de proportion une proportion géométrique dans le langage des mathématiciens. En effet, ce qui est juste dans la distribution des biens communs traduit toujours l'exigence de proportionnalité selon le mérite, puisque si l'on envisage le partage des richesses communes, celui-ci doit exprimer le même rapport que celui qu'ont entre elles les contributions de chacun à la communauté. Donc là, vous voyez qu'il y a, pour définir ce type de justice, adéquation entre une figure mathématique et la proportion géométrique et une règle de droit. Deuxième type, la justice correctrice ou réparatrice, qui consiste à corriger le dommage injustement infligé à une personne par une autre. Et ce deuxième type de justice obéit à un principe d'égalité arithmétique et non pas géométrique. Dans ce cas, écrit Aristote, le juge restaure l'égalité. C'est comme si on avait affaire à une ligne AB divisée en deux segments inégaux, AC et BC. Et au segment le plus long, AC, le juge enlève cette partie DC qui excède la moitié de la ligne entière pour l'ajouter au plus petit segment. Ce que j'aime beaucoup chez Aristote, c'est que ça ne dépasse pas mon niveau de géométrie. On arrive à suivre assez facilement. C'est pour ça qu'il utilise ces images, d'ailleurs. Il trouve ça très pédagogique. Et à la différence de Platon, il ne croit pas que c'est là qu'est la vérité et la source et le fondement de la justice. Il l'utilise de façon pédagogique. Et c'est pourquoi sa typologie ne s'arrête pas là. Comme l'ont montré François Eval et plus récemment Clarisse Ehrenschmidt, il complète ce diptyque par une troisième, du coup ça devient un triptyque, par une troisième forme de justice, la justice dite de réciprocité proportionnelle, qu'il commence par caractériser de la façon suivante. L'idée de réciprocité ne s'accorde pas avec la définition du juste, ni dans le cas de la justice distributive, ni dans le cas de la justice correctrice. Nous sommes en plein dans les questions de droit social, je vous le dis quand même en passant, là, sur qu'est-ce qu'ils font de la réciprocité dans la cité. Il dit que ça ne relève d'aucun de ces deux autres types de justice que je viens d'exposer, celle de type arithmétique ou de type géométrique. Mais il reste que dans les associations qui sont faites pour les échanges, la cohésion tient à ce genre de justice, même si la proportion veut qu'on rende en proportion et non selon le principe d'égalité. Et suit cette phrase, « C'est en effet parce que l'on retourne en proportion de ce que l'on reçoit que la cité se maintient. » Cette phrase définit déjà l'idée de justice sociale. Et cette justice-là n'est donc pas une justice particulière, mais touche à ce qu'Aristote nomme la justice générale et que de nombreux juristes ont l'habitude d'exclure du périmètre du droit pour l'identifier à la morale. Il s'agit bien en effet de fonder la cité sur une mesure à laquelle puissent se référer tous les citoyens lorsqu'ils échangent les fruits de leur travail. Et là, Aristote ne va pas recourir à des figures mathématiques, mais il se demande qu'est-ce qui fait cet échange proportionnel. Il dit que c'est la conjonction de termes diamétralement opposés. Alors imaginons un bâtisseur, un cordonnier, une maison et une chaussure. Il faut que le bâtisseur A reçoive du cordonnier B son travail à lui D et qu'il lui donne en retour le sien. Il n'y aura pas d'échange et d'association entre eux si les choses ne sont pas égales d'une certaine façon. Il faut donc qu'une certaine base permette de tout mesurer. Qu'est-ce qui va permettre de tout mesurer dans l'établissement de la réciprocité dans la cité ? Nous avons la définition. Cette base, en vérité, c'est le besoin, lequel assure la cohésion de tout dans la communauté. Bon, mais le besoin, c'est la mesure universelle. Mais comment s'exprime-t-il ? La monnaie est devenue une sorte de substitut du besoin selon un arrangement de commodité, et c'est pour cela qu'elle porte le nom de monnaie, nomisma, parce qu'elle tient non pas à la nature, mais à la loi, nomos, et qu'il ne tient qu'à nous d'en changer et de la retirer de l'usage. Vous avez là une analyse de la monnaie infiniment plus profonde et plus intelligente que ce qu'on peut voir aujourd'hui, disons, dans des manuels standards d'économie. Et ce passage est très important pour comprendre... Pourquoi je dis ça ? C'est très important pour comprendre la façon dont Aristote lit la loi et le nombre dans sa réflexion sur la justice. Je le répète, à la différence de Platon, il ne voit pas dans la loi un pis-aller qui serait dû à notre insuffisante connaissance des vérités mathématiques qui sous-tendraient l'univers entier. Les figures et les nombres peuvent nous aider à y voir clair, c'est pourquoi il en use pour illustrer ses définitions de la justice distributive et corrective, mais ce ne sont pas les mathématiques qui président à l'association des hommes, c'est la nécessité d'accorder la différence de leurs travaux à la similitude de leurs besoins. Ils sont tous différents par leurs œuvres, par leurs travaux, par leur savoir-faire, c'est la division de travail, mais ce qui les réunit, c'est le besoin, ils ont des besoins en commun. Et c'est la raison pour laquelle Aristote ne s'oblige pas à donner une formulation mathématique à ce troisième type de justice. Pas davantage, vous le noterez, il ne prête à la monnaie la capacité d'exprimer spontanément le juste prix des fruits du travail. La monnaie est un substitut du besoin, c'est-à-dire qu'elle fournit bien une mesure commune des biens échangés, mais il insiste sur ce point, elle est fondée sur la loi et non sur le nombre. Et là, Aristote use de l'étymologie qui fait dériver « numisma » de « nomos », et cette démonstration interdit donc de renvoyer la question de la justice des échanges à un pur calcul ou à la morale. Mesurer la valeur respective pour la cité du travail d'un trader ou d'une infirmière ne relève pas plus du calcul que de l'éthique, mais ça relève du droit. Enfin, c'est ce que nous dirait Aristote. Et je serais tenté de dire plus précisément aujourd'hui du droit social. Donc, selon Clarisse Ehrenschmidt, cette prise de conscience des limites de la raison mathématique pour gouverner les affaires humaines aurait aussi procédé de la découverte des nombres irrationnels de type racine carrée de 2, découverte qui a mis fin à l'espoir d'inscrire la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle dans un rapport de proportion avec les nombres entiers. Ça a été un choc, parce qu'on pensait que tout pouvait rentrer dans l'harmonie des proportions des nombres, et d'un coup on découvre les nombres irrationnels. C'est dans son livre sur langue... Code nombre, je pense que ça s'appelle comme ça, de Clarisse Ehrenschmidt. Oui, les trois écritures, langue, nombre, code, Gallimard 2007, qu'elle étudie ça, et elle montre comment les premières monnaies frappées représentaient des figures géométriques. On pensait que sur la monnaie même, il y avait l'inscription de ce nomos, et ces figures vont disparaître à partir du moment où l'on découvre les nombres irrationnels. En effet, s'il existe des grandeurs sans mesure commune, écrit-elle, alors toute chose n'entre pas en proportion avec toute chose. Dès lors, l'écriture monétaire, arithmo-géométrique, n'avait plus de fondement étranger aux querelles des hommes. Ainsi semble s'évanouir l'espoir de faire régner dans la cité une harmonie déduite des mathématiques et accordée à celle que font résonner les anges au sommet de la voûte céleste. Mais nous allons le voir, ce rêve a continué d'agiter l'Occident sous diverses formes jusqu'à nos jours, au risque de se transformer parfois en cauchemar. Alors, je vous avais promis que nous quittions l'Antiquité, vous en êtes peut-être un peu lassé, mais si j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est que là aussi, il me semble que les facultés de droit ne sont pas les seules, nous sommes dans une entreprise d'amnésie générale sur la longue durée. Et je suis très frappé de voir que l'enseignement des langues anciennes et des classiques est redevenu un impératif catégorique dans les universités chinoises et qu'on s'emploie à supprimer la capacité même d'accéder aux textes dans les systèmes universitaires de nos pays. Donc il faut reprendre ces perspectives longues si on veut essayer de se repérer dans des époques comme la nôtre, me semble-t-il. Voilà, un plaidoyer pro domo, ça s'appelle. Donc, on passe au chapitre suivant, qui va nous rapprocher de la période contemporaine, sur l'essor des usages normatifs de la quantification. Et là, nous allons nous retrouver dans une période qui correspond des temps modernes jusqu'à nos jours, et nous allons pouvoir être aidés par l'importance des recherches qui ont été publiées depuis une vingtaine d'années, qui permettent de mieux connaître l'essor de ces usages de la quantification dans les pays européens. L'accent a généralement été mis dans ces travaux, notamment chez Foucault, sur la manière dont l'État moderne s'est progressivement doté d'instruments de mesure de sa population et de ses richesses. Et c'est cette pratique qui a abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui la statistique. Alors, la statistique, le concept est allemand, mais il s'agissait de faire des descriptions générales de la situation, en termes qualitatifs. Et l'autre notion que l'on avait, c'était l'arithmétique politique anglaise. Et en réalité, progressivement, sous le mot statistique, est venu se loger ce qu'on désignait auparavant comme arithmétique politique. La différence, donc, entre les deux est que l'arithmétique politique anglaise était tout entière fondée sur des recensements chiffrés. C'est très important de le noter. Que ça nous vient d'Angleterre, même si la quantification a aussi été très importante dans la constitution d'État centralisé français. Alors, dans ses travaux sur la gouvernementalité, Foucault voit dans l'essor des techniques de quantification la montée d'un biopouvoir à la fois concurrent et complémentaire de celui qui s'exprime dans les dispositifs juridiques. Il me semble que la place centrale accordée à l'État dans ses travaux masque le fait que les usages normatifs de la quantification ont tout autant concerné la sphère privée que la sphère publique. Et il est donc réducteur de ne voir dans leur essor que l'avènement d'une nouvelle technique de pouvoir. Aussi, pour vous donner un aperçu de cet essor, c'est par ces usages privés que je vais commencer, avant d'en venir à l'histoire beaucoup plus étudiée de l'essor de la statistique et du calcul des probabilités. Et ces usages privés sont aussi les premiers à apparaître, historiquement. C'est donc la comptabilité. Les livres de comptes sont sans doute la première expression moderne de l'établissement entre nombre et obligation juridique. Alors voilà comment le Code de commerce définit aujourd'hui c'est le titre de la section où figure cet article, les obligations comptables applicables à tous les commerçants. C'est l'article L123-12 du Code de commerce. Alors, toute personne doit procéder à, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements qui affectent le patrimoine de son entreprise. Deuxième alinéa, elle doit contrôler par inventaire l'existence et la valeur de ses actifs. Elle doit établir des comptes annuels. Alors, à la clôture de l'exercice, ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Ces comptes forment un tout indissociable. L'article suivant, L123-14, nous précise que ces comptes, alors c'est là qu'on va toucher les notions intéressantes, doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Et cette image fidèle va revenir dans les deux alinéas suivants, parce que le deuxième alinéa de cet article explique que si l'application d'une prescription comptable ne suffit pas à donner cette image fidèle eh bien, il va falloir donner des explications dans l'annexe. Et si, dans un cas exceptionnel, l'application de la prescription est impropre à donner cette image fidèle, alors il doit y être dérogé. On doit déroger à la norme pour assurer la fidélité de l'image, en donnant les explications dans l'annexe. Alors, ce texte appelle les quatre observations suivantes. Première observation, la comptabilité est d'abord une obligation juridique de rendre des comptes. Cela veut dire que les commerçants doivent répondre de leur activité à l'égard des tiers, et la tenue d'une comptabilité participe de cette responsabilité commerciale. Plus étendue que la responsabilité civile, celle des commerçants s'exerce aussi bien vis-à-vis de leurs contractants que de l'État et du public en général. Le concept anglais d'accountability exprime plus clairement que notre notion de comptabilité l'idée de cette responsabilité financière dont la mise en œuvre suppose trois acteurs, l'accountor, celui qui a des comptes à rendre, l'accounty, celui auquel ces comptes doivent être rendus, et l'accountant, celui qui établit ces comptes, c'est-à-dire notre comptable. Le code de commerce donne force légale à cette obligation de rendre compte de son activité. Alors, cette conception de la comptabilité, je m'empresse de le dire, est sous une attaque sévère. Enfin, aujourd'hui, il y a un travail magistral de Samuel Jubé sur ce sujet. De plus en plus, la comptabilité n'est plus conçue comme un moyen de répondre vis-à-vis de la société et des tiers de son activité commerciale, mais un moyen d'étalonner ses performances financières. Donc, on a eu un déplacement considérable qui sera un des exemples que je prendrai sur la partie contemporaine. Mais lorsqu'elle naît, la comptabilité, elle naît à la période médiévale, elle apparaît comme obligation pour tout commerçant de rendre compte de son activité. Elle naît de la pratique et des besoins du commerce, et elle a d'abord résulté, non pas d'ordre venu du prince, mais des règlements des corporations de marchands. Et elle fut ensuite imposée aux marchands par les cités italiennes, à la fois comme mode de preuve et comme moyen de prévenir les banqueroutes. Et la banqueroute, d'ailleurs, c'est étymologiquement la destruction du banc, du comptoir, que le marchand failli, c'est-à-dire celui qui a pris la fuite, occupait sur le marché. Donc, dès l'origine, l'obligation de tenir sa comptabilité a été conçue comme composante du statut professionnel des commerçants. Ça, c'était la première observation. Deuxième observation, peut-être un petit peu plus complexe, la comptabilité est ensuite un mode, il faut noter la notion, d'accréditation d'une vérité par l'image. La notion d'image fidèle, vous l'avez vu, est scandée véritablement par l'article S123-14 du Code du commerce. Image fidèle, la comptabilité est un miroir. Elle nous provient au travers de la directive européenne 78-660 du 25 juillet 78, elle nous provient en réalité d'une expression britannique « true and fair view ». C'est la notion pour les comptables britanniques. Il faut que les comptes donnent une vue juste, enfin « true », vrai et sincère. On pourrait le traduire comme ça. L'image comptable a donc un statut qu'on pourrait dire « iconique ». De même, si vous voulez, que les icônes religieuses, ceux d'entre vous qui sont allés en pays orthodoxe vont voir de quoi je parle, soudent une communauté de fidèles autour d'une vérité religieuse. On embrasse l'icône, on la contemple, et autour de l'icône, un ordre social s'établit, jusqu'au jour où quelqu'un ne croit plus aux icônes. À ce moment-là, ça se disloque. Bien, de même, l'image comptable soude une communauté de marchands autour d'une vérité légale. Vérité légale, c'est autre chose que la vérité scientifique. Il y a un moment donné, on arrête les comptes, ils sont rendus publics et ils ont force probante. Et c'est la communauté des marchands se soude autour de ce système de vérification et de vérité légale. Et d'un bout à l'autre de l'Europe, ce qui permettait aux marchands de se faire crédit à la naissance du capitalisme, c'est qu'ils partageaient la même foi. La même foi, vous savez, on parle de gens sans foi ni loi. À cela, on ne fait pas crédit. Il y a un récit fameux dont Max Weber raconte dans son voyage aux États-Unis. Il demande à un marchand, est-ce que ça vous ennuie si les gens vont plutôt au temple, à la synagogue ou à l'église? Il dit, alors ça, Ça m'est absolument égal du moment qu'ils vont prier quelque part. Parce que s'ils ne vont prier nulle part, je ne leur prêterai pas un cent. Donc c'est bien cette idée, il faut qu'il y ait un garant de la parole. Celui qui parle sans foi ni loi, on ne peut pas lui faire crédit. Et on ne peut rien comprendre à l'essence du capitalisme si on oublie que ce qui soudait les marchands génois et les flamands, par exemple, c'était la foi, donc dans un même garant divin de la parole donnée. Et au XIXe siècle encore, de nombreux industriels continuent de placer leur compte sous l'égide de Dieu. Si l'image comptable s'avère trompeuse, si l'on cesse de pouvoir y croire, la communauté se disloque. C'est ce qui est advenu dans l'affaire Enron. C'est une entreprise américaine qui, après avoir atteint des sommets boursiers, a sombré en quelques semaines, lorsque furent révélées les manipulations comptables sur lesquelles reposait sa prospérité apparente. Cette loi ne s'est pas contentée. La loi Sarbanes-Oxley, hein, c'est une loi qui a beaucoup ému les milieux d'affaires parce qu'elle fait porter des obligations non seulement sur les hommes d'affaires américains, mais sur tout opérateur économique intervenant aux États-Unis. Et elle ne s'est pas contentée donc de renforcer les normes comptables et de lutter contre la collusion entre les entreprises et les cabinets d'audit, avec un succès relatif d'ailleurs, mais elle a fait ressurgir le vieux fondement religieux de la vérité des comptes en imposant la certification sous serment par les présidents de sociétés cotées et leurs directeurs financiers. Donc on voit au cœur de l'ultra-capitalisme moderne réapparaître le serment comme dernier recours de garantie de la fidélité de l'image comptable. Cette loi est applicable aux sociétés étrangères cotées aux États-Unis et elle est assortie de lourdes sanctions pénales. C'est parce qu'elle constitue l'une des bases institutionnelles des marchés que cette image doit être fidèle. C'est-à-dire, pour revenir à l'original anglais, exprimer à la fois la vérité, true, et la justice, fair. Nous sommes donc, avec la comptabilité, à un point d'articulation du vrai et du juste. C'est aussi ça l'idée de vérité légale. La normalisation comptable n'est donc pas une pure technique politiquement neutre. Et c'est pourtant bien ainsi que la consul de l'Union européenne, qui a délégué en 2002 le soin d'élaborer les normes comptables à une agence privée censée détenir cette expertise technique. Il s'agit de l'International Accounting Standards Board, qui est basée à Londres, qui fabrique des normes comptables, donc c'est une agence purement privée, et l'Union européenne les reprend purement et simplement à son compte, sans aucune espèce de discussion de nature politique. Donc c'est considéré comme une affaire purement technique. Tout ce que nous venons de voir sur l'histoire d'un homme comptable nous montre au contraire que l'on touche aux aspects les plus fondamentaux et j'allais dire les plus religieux du fonctionnement de l'économie. Je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot le 7 mars 2013, Le rêve d'harmonie par le calcul. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur en 2015. Rappelons aussi son ouvrage « L'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total au seuil » en 2010. Réalisation Milena Elig, mixage Valérie Lavalard, présentation Meryl Moneghetti. Demain, l'essor des usages normatifs, la comptabilité et les statistiques. Belle journée à l'écoute de France Culture.